Le cheval boit dans l'onde claire, le reflet bleu d'un ciel vivant, dont le soleil se désaltère, et que ride en ton cœur le vent.